Alors, je voulais te demander, est-ce que tes parents sont nés en Algérie? Mes parents et grands-parents. Et grands-parents? À Ufindé, exactement, dans la banlieue d'Alger. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes au-delà de vos grands-parents qui sont venus en Algérie? Oh ben, écoutez, si, il y a au moins, à ma connaissance, un arrière-grand-père. Au moins, du côté maternel. D'après ce que m'a raconté ma grand-mère, oui, il serait arrivé ici en 1848, venant d'Italie, du sud de l'Italie. Si son histoire est vraie, il semblerait qu'il était l'aîné d'une famille de 11 enfants, très pauvres, à une petite île du golfe de Naples. C'était lui qui subvenait aux besoins de la famille par le braconnage. Et un jour, il s'est fait attraper avec deux lapins à la main. Il a boxé le carabinier. Il est rentré tout fier à la maison. Et son père, comme les pauvres de l'époque, lui a dit, malheureux, non seulement tu vas prendre, mais nous aussi. Alors il vaut mieux, il est assez grand. Va à Naples et débrouille-toi. Alors en arrivant à Naples, il aurait trouvé un bateau qui est en partance sur l'Italie. Il est monté dessus et il est débarqué à Alger et il s'est loué à Ufindé comme jardinier au service d'une famille algérienne. Et là, il s'est marié. Quand il s'est marié, la famille algérienne qui était coutume a consenti à lui louer 3 hectares de terrain pour le maraîchage. C'est comme ça que ça a l'air d'avoir commencé. Voilà. Vous êtes né en Algérie? Oui, à Ufindé. Et j'ai jamais quitté l'Algérie sauf pour la guerre 39-45. Vous êtes resté dans la région d'Alger? Après toute ma vie, sauf une éclipse de 13 ans où j'étais évêque de Constantine. Mais autrement, même étant, tout ça pour mes études, j'ai fait toutes mes études au séminaire d'Alger, puis ensuite, au point de vue de mon activité sacerdotale, pourquoi alors que d'habitude la plupart des prêtres font le bled, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours resté à Alger, et comme vicaire et comme curé aux alentours d'Alger. Je pense que c'était parce que j'avais peut-être un certain impact sur les jeunes et que on n'a pas tenu, pour qu'ils puissent me trouver plus facilement, on n'a pas voulu m'éloigner, quoi. Mais j'ai toujours à Alger, toujours. Guémambrès, Ufindé, Babeloued, Maison Carrée et Bellecour. Sauf les 13 ans à Constantine comme évêque. Alors, votre cas est un peu particulier puisque vous avez fait le séminaire, mais quand vous étiez enfant et jusqu'au séminaire, est-ce que vous aviez des Algériens dans votre classe, dans vos classes? Eh bien, moi non. Je le dis bien simplement, beaucoup se fâchent d'avoir érigé leur culotte sur les bancs d'école auprès des petits Algériens, c'était pas mon cas. Je ne dis pas qu'on était une famille bourgeoise ou n'importe, mais c'était comme ça. Vous voyez, mon père avait un petit café, vous savez, dans un milieu plutôt humble, quoi, il n'était pas. Mais je ne peux pas dire que dans ma prime jeunesse, dans mon enfance, j'ai eu des camarades de classe algériens et même des camarades de jeu algériens, vous voyez. Je voyais des Algériens dans le café de mon père avait de bonnes relations avec les adultes, ma mère de bonnes relations avec les employés. Et je ne crois pas avoir connu le racisme dans ma famille, plutôt un certain paternalisme. Mais enfin, peut-être qu'on a voulu aussi me protéger des contacts avec les petits Algériens, c'est possible. que vous avez appris à parler l'arabe? Eh bien non. Et je vais vous dire pourquoi. Le fait d'avoir toujours vécu à Alger, où on parlait surtout français, j'en ai pas eu tellement l'occasion. Après, étant prêtre, j'ai essayé de m'y mettre. J'ai un certain nombre de notions de grammaire et je comprends un peu. Mais si vous voulez, n'ayant pas pratiqué, et j'avoue que je ressens ça comme un manque à l'heure actuelle. Ça va vous faire sourire, mais ce matin, je recevais une religieuse qui est justement à une certaine méthode d'enseignement d'arabe parlé. Je lui ai demandé de me procurer ses cassettes et ses affaires, parce que dans ce quartier où je suis quand même aimé et respecté par tout le monde, je voudrais faire plus que de comprendre mes conversations, je voudrais aussi m'émanquer. Je n'ai pas un complexe, hein, parce que, après tout, c'est une petite marque d'infériorité qui me condamne à une certaine humilité, mais ça me complexe pas. Mais je le regrette quand même. Et je vous parlerai toujours aussi franchement, hein, je vous préviens. Je voudrais vous demander, quel est à vos yeux, l'événement le plus important de votre rapport à l'histoire de l'Algérie? J'ai besoin de réfléchir un petit peu. Veillez, je ne saurais pas faire de hiérarchie dans les événements importants. J'en mettrai plusieurs. Le premier, si vous voulez, c'est que, à l'occasion de mon activité sacerdotale, j'ai eu beaucoup à m'occuper de jeunes dont vous avez d'ailleurs les noms sur votre liste, comme Pierre Chollet, Pierre Colonna, qui, eux, bien avant que n'éclate la guerre d'Algérie, avaient créé avec des amis algériens une association qui s'appelait l'Association de la jeunesse algérienne pour action sociale. Vous voyez? Et dans leur contact avec ces amis algériens, eux, assez vite se sont un peu politisés, si vous voulez. Et comme on avait des rapports très confiants, moi prêtre et eux, jeunes, s'adressent chrétiens, fervents, profonds, s'adressant trop près que j'étais, moi je leur portais quelque chose, mais même mon porté, c'est-à-dire alors je juge que cette rencontre avec ces jeunes étudiants à l'époque a été un moment important pour moi, un moment d'ouverture, vous voyez, un moment d'ouverture. Alors après, un autre moment important qui m'a surpris quand même, ça a été l'éclatement de la Révolution, moi je n'y attendais pas. Je sentais bien venir un progrès, et un progrès, c'est-à-dire une revendication chez les Algériens, mais j'aurais été plus porté à encourager une certaine égalité de droits et de devoirs entre les Algériens et les Français. Mais l'idée d'indépendance ne m'avait pas beaucoup effleuré, vous voyez. Mais très vite, là, après ce premier choc, j'ai très vite compris que c'était quand même inéluctable. Et alors là, j'ai beaucoup souhaité que cette indépendance se fasse par la négociation et non par la guerre. Et j'ai rêvé peut-être. J'ai dit j'ai rêvé parce que je pense que c'était une utopie, mais une utopie à laquelle j'étais attaché, comme d'un peuple nouveau, vous voyez, entre les pieds noirs et les Algériens, car au niveau de la base, base n'avait pas grande différence. Oui. La différence existait en haut lieu avec ce qu'il y avait à l'époque, la richesse et le pouvoir. Oui. Mais à la base, j'ai rêvé. Voilà. Alors ça, c'est, malgré tout, alors, on a parlé un grand moment, donc l'indépendance est un moment qui m'a marqué. Et alors après, le lendemain, alors il y a un moment qui m'a terriblement marqué, mais alors, terriblement souffert. C'est la période de l'OAS, entre le 19 mars, date des accords d'Évian, et l'accession à l'indépendance le 5 juillet 62. C'était épouvantable. Pour moi, ça a été le moment le plus dur de la guerre d'Algérie. Voir tant de sang, tant de haine, sortir de mon presbytère, voir 11 cadavres. Ce n'est pas. Non, j'ai passé 3 semaines là, sans dormir, je croyais que j'allais mourir de parler là-dedans. Alors, c'est un moment qui m'a parlé. À côté de ça, alors, le jour de la fête de l'indépendance, dans la rue, arriver à entendre les Algériens et les pieds noirs se dire entre eux, ou moins ceux qui étaient restés là. On s'est battus, hein. Vous nous avez donné des coups, mais vous les avez bien rendus. Maintenant, c'est fini. C'était un moment de joie parce que je me suis remis à rêver, malgré qu'il y ait eu déjà tout le départ des pieds noirs avant, sous la pression de l'OAS. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais enfin, vous n'attendez pas cette question, mais c'est ce qui m'a marqué, je parle. Après un autre moment, après l'indépendance, alors c'était ce que j'ai vécu pendant mes 7 années de curé à Bellecour. Et je suis arrivé à Bellecour avec une certaine crainte, puisque les chrétiens étaient partis, alors que tout dans mon métier de curé m'avait passionné, que ce soit l'accompagnement des jeunes, l'éducation des enfants par le catéchisme, l'organisation de la prière de l'Église. J'ai aimé mon métier, je l'aime encore d'ailleurs. J'appelle métier parce que je crois que c'est un mot noble. Vous voyez ? Mais arrivant à Bellecour, où j'avais exprimé au Monseigneur Duval ma crainte d'avoir plus un enfant à éduquer, un jeune, à accompagner, est-ce que je saurais m'adapter ? Il me dit, vous saurez m'adapter. Or, cette période de mon ministère à Bellecour, au milieu de ces Algériens, ça a été un très grand moment. Vous voyez, ce fait de m'être converti dans l'organisation d'alphabétisation de cours de rattrapage, et en une amitié, une cordialité à égalité avec des gens du quartier, ça a été quand même formidable, si bien qu'au moment où il y a eu les premières élections municipales, les gens du quartier ont exigé du parti qu'on me mette sur la liste des candidats, alors que je n'étais pas FNN, je n'ai jamais été, je ne serai jamais, bien sûr, c'est pas le moment. Mais, et j'ai été élu à 100% des voix parce que personne n'a rayé mon nom sur les listes, vous voyez, et j'ai siégé 4 ans au conseil municipal d'Alger. Voilà. Oui, j'ai eu beaucoup de moments dans ma vie, en fait. J'en ai eu tellement de joie et de peine qu'il faudrait que vous restiez plus d'une semaine à les écouter. Quand vous dites qu'un moment fort de votre vie a été le moment où vos jeunes, les jeunes chrétiens qui avaient beaucoup confiance en vous, sont venus vous dire qu'ils s'étaient politisés aux côtés des Algériens, oui, pas au contact, oui, des Algériens. Est-ce que vous voulez dire qu'ils s'étaient politisés dans le mouvement de la libération, dans les mouvements de la libération? Dans quel sens c'était-il politisé? Cette question, quand je parle de politisation, je pense que ces jeunes, un petit peu remarqués, sous l'influence de gens comme le professeur Mandouze, qui était mon paroissien, mon ami, un chrétien profond et savant, si vous voulez, étaient des déjà dans un mouvement, j'allais dire progressiste, de libération des peuples. Et je ne pense pas qu'à l'époque, ces jeunes avaient décidé, le cas échéant, de prendre le maquis avec leurs frères algériens. Mais ils avaient pris une conscience assez grande que la situation du peuple algérien était une situation d'injustice et qu'il fallait en sortir. Et comme, justement, après la guerre de 1939-1945, il y a eu ce grand mouvement d'émancipation des peuples, et je pense que ces jeunes ont pensé, et pourquoi pas l'émancipation de l'Algérie. C'est dans ce sens-là, vous voyez, c'est une politique. Ce n'est pas un choix de dire on va lutter avec, bien qu'après, il y en ait certains, comme pour se coller, qui se sont engagés carrément auprès de la FLN. Quel âge aviez-vous au moment de l'insurrection en 1954? En 1954, calculé, je suis en 13, ça faisait donc... ça me faisait... 37. Combien? 37. Non, non, je vous dis, en 13, 41. Ben, voyez, il a été fini. Il est très fort en 13. Est-ce qu'avant 1954, est-ce que vous aviez le sentiment que l'Algérie, c'était la France? Ou bien que c'était différent? Oh, je pense que je ne m'étais pas posé la question, mais je crois pouvoir dire oui. Vous savez, moi, j'étais les pieds noirs. On avait été formés dès l'école primaire à un grand patriotisme. Moi, à mon certificat d'études, j'ai dû présenter trois chansons patriotiques. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'est si beau la France, et puis la Marseillaise, bien sûr. Alors, vous comprenez, ça vous marque. Mais alors, si, je pense que j'avais l'impression, oui. Dans le climat politique et social de l'Algérie de l'époque, vous aviez l'impression que l'Algérie, c'était la France. Reprécisez-moi quelle époque? En 1954. Avant 1954. Avant 1954, si vous voulez, malgré tout, j'avais déjà pris conscience que ce n'était pas la France, dans le sens que j'avais l'impression que même sur place ici, il y avait une hiérarchie parmi les habitants d'Algérie. Le haut du panier, c'était les Français de souche. Les deuxièmes, c'était les pieds noirs. Et les Français de souche nous le faisaient sentir. Vous comprenez que vous étiez un abo ou autre. Ça, bon. Et en troisième point, alors bien sûr, au bas de l'échelle, les Algériens. Donc, dans ce sens-là, c'était pas la France, si vous voulez. Dans ce sens-là, je pensais pas que c'était la France, parce que, si vous voulez, il n'y avait pas les qualités, ça, c'est certain. Mais enfin, si vous voulez, j'aurais eu plutôt tendance, avant 54, avec, d'ailleurs, je pense, toutes les villes de l'époque, à forcer sur un engagement social en faveur de l'égalité des droits plus qu'en faveur d'un engagement politique en accession à l'indépendance. Ça, je le confesse, avant 54. Est-ce que vous aviez senti, avant 1954, est-ce que vous avez senti autour de vous les prémices d'un changement dans le climat? Quelque chose qui pouvait vous faire penser que 1954 allait arriver. Alors remarquez où j'ai eu ce sentiment le plus fort, c'est en 1947. En 1947, la France avait voté une espèce de nouveau statut sous l'influence d'un député radical socialiste qui s'appelait Bourses Mounouri. Et ce statut, si vous voulez, qui prévoyait une accession à une certaine égalité entre les Européens et les Algériens, comportait un certain nombre d'actes libéraux, si vous voulez, qui pouvaient donner confiance, mais, ou un espoir. Mais, tout de suite après, il y a eu des élections organisées par le gouverneur général Nekelen, qui ont été un scandale de tricherie. Alors là, j'ai dit, mais non, on est foutu, ils ont été trop forts. Hein. Si on avait mis, il me semblait, parce que je n'étais pas un homme politique, que l'application du statut de l'Algérie était un progrès énorme qui, s'il devait mener à l'indépendance, le ferait par palier et sans endurance. Oui. Mais la violation, la non-application de ce statut, à mon avis, c'est ça le crime des politiciens français. Et en particulier, je regrette de le dire, des politiciens socialistes. Car, qu'est-ce que vous voulez, la série des gouverneurs que nous avons eus, que ce soit Negelen, Lacoste et compagnie, c'était des socialistes, du mauvais. Ne me prenez, ne classez pas comme homme de droite parce que je vous dis ça, mais je ne sais pas si je suis trop de gauche. Vous avez parlé entre 1945 et 1954, est-ce que vous saviez qu'il existait une revendication nationaliste? Si je l'ai su, c'est très peu, voyez, je ne sais pas si je l'ai su. La revendication nationaliste, je ne l'ai pas ressentie très fort dans cette période que vous dites. Peut-être perçue un peu, mais pas très fort. Et peut-être là, le fait d'avoir été toujours prêt dans la ville d'Alger m'avait empêché peut-être d'être très proche du monde algérien. Je l'étais quand même, si vous voulez, dans le sens que dans mes différentes actions, j'avais le souci qu'on n'oublie pas les pauvres algériens, mais sans plus, si vous voulez. Donc, alors là, mais si j'ai eu cette perfection, c'est une perception vraiment minime. Hein. Non, non. Vous étiez quand même au courant ou non des mouvements nationalistes? Un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que la presse autour de vous en faisait mention? Pas souvent. Oui, la presse qu'on avait, pas tellement. Et alors, là, peut-être quelque chose qui m'aurait marqué, ça aurait été cette affaire qu'après coup, j'ai découvert qu'après coup, du 8 mai 45, les émeutes de Sétif, etc. Au moins, vous comprenez, le 8 mai 45, et j'étais sur le front de l'Allemagne, et je savais le champagne pour la victoire à laquelle nous avions participé comme Français. Oui. Comme 1954, quand en 1954, l'insurrection a éclaté. Est-ce que ce jour-là, le jour suivant, vous aviez l'impression que c'était une insurrection? Ou quelque chose qui... Je n'ai pas eu l'impression que c'était... J'ai eu l'impression d'une révolte. Je me suis posé des questions. Je n'ai pas pensé à commencer ce que les Algériens appellent la bataille de la libération. Oui. En fait, je pense que je n'ai eu cette impression qu'un mois après. Et je me rappelle d'ailleurs assez bien les circonstances. Le 21 novembre 1954. Dans le calendrier chrétien, c'est une fête de la Vierge Marie, n'est-ce pas ? Une présentation de Marie au Temple. À Naba, à Bonn, à Ypon, on avait célébré le 13 novembre précédent le centenaire de la naissance de Saint-Augustin. Il y avait un cardinal qui était de Rome, cardinal qui sont, les évêques étaient rassemblés là, moi je n'étais pas évêque. Et assister à ces fêtes, un archevêque Moyen-Orient, un arabe, un chevêque. Alors il est venu faire un tour à Alger et je l'avais invité à célébrer une messe dans mon église du Saint-Dé. Et à ce moment-là, j'avais demandé qui célèbre selon le rite oriental, c'est-à-dire Amara. Et chez moi, c'était toujours mon idée de curé derrière la tête, faire l'éducation du peuple chrétien aujourd'hui, en faisant célébrer cette messe qui avait un certain sens dans la belle église du Saint-Dé que j'avais reconstruite. Les gens vont comprendre que, point de vue religieux, bon, un arabe, un européen, etc. Mais en même temps, ça était dessus qu'il y avait cette messe-là, l'église était pleine, et au fond de l'église, il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient des nationalistes, qui n'avaient pas appris le maquis encore, parmi lesquels il y avait Wonshi, Ben Reda, Yamagla Trousseau, un certain nombre qui ayant su, et peut-être entraîné par mes jeunes chrétiens, étaient venus assister à l'office. Et après cette affaire, je leur avais ménagé une rencontre à ce moment-là avec l'archevêque en question. Une rencontre qui s'est écoulée en arabe. Alors là, j'ai pris conscience réelle, si vous voulez, qu'il y avait un désir d'indépendance très profond. Et un mois après, j'ai été amené à héberger Saint-Alouanchi. La police commençant à chercher les gens qui soupçonnaient le nationalisme. Et alors là, du temps que je l'hébergeais dans mon presbytère, tous les soirs nous avions de longues conversations. Et je me souviens à l'époque avoir dit: Salah, est-ce que tu crois que vous êtes mieux pour l'indépendance? Et Salah m'a répondu: on en parlera dans 8 ans. Et nous sommes restés très liés avec Salah Louanchi, qui est d'ailleurs devenu le mari et le fils de... Il est mort maintenant il y a 2 ans, mais on est resté très, très liés. Voilà l'origine de mes, si vous voulez, de mon évolution. Bon, vous savez, moi, quand je regarde ma vie, j'ai évolué, j'ai l'impression que j'évolue encore, on sait rien. C'est peut-être ça qui concerne. Et comment réagissaient les Européens autour de vous à cette insurrection? Ben là, les Européens, qu'est-ce que ils réagissaient en gros, comme réagissait le gouvernement français? Notre président de la République actuelle venant faire un voyage ici comme ministre de l'Intérieur, avait dit l'Algérie c'est la France, etc., pour les matins, etc. Ben, c'était l'attitude des Européens, ça c'est le terrain. Hein. Et les renforts arrivent de France, les renforts militaires arrivent très vite, les Européens, il y avait la masse des Européens, ils ne croyaient pas, ils croyaient. Il y avait quelques-uns, comme ces jeunes dont je parlais, qui étaient persuadés qu'on était lancé. Moi, je commençais à l'être, mais je le dis bien simplement, je n'étais pas prophète, je n'avais pas prévu. Ça, très vite après, j'ai envoyé dès le début 55, on sentait qu'il fallait y arriver, on priait, on souhaitait des négociations rapides pour que ça se passe sans trop de casse. Oui. Heureusement, comme on a à ce moment-là commencé le phénomène de la torture un peu systématique, alors là, nous sommes partis en guerre contre la torture, bien sûr. C'était normal. Et est-ce que vous aviez une employée de maison musulmane? Ah oui, tout le temps. Et est-ce quels ont été vos rapports avec elle à partir de cette insurrection? On n'avait rien changé. C'était toujours des rapports. rapport à ces tortures, et nous-mêmes, nous efforçons au respect et puis à être un peu plus que juste même, là on n'a pas eu de problème. Est-ce que vous avez jamais pensé quitter l'Algérie? Comment? Est-ce que vous avez jamais pensé quitter l'Algérie, partir? Non, jamais. Pour deux raisons. Une raison très humaine, c'est que je voulais chacun, je suis un pied noir, donc moi aussi j'ai des réactions viscérales. Hein. J'ai toujours cru que ma patrie, c'était la France, et tu sais, ma terre, c'était quand même la terre algérienne. Alors il y a cet aspect humain. C'était la France, et tu sais, ma terre, c'était quand même la terre algérienne. Alors il y a cet aspect humain. Deuxièmement, il y a un autre aspect, l'aspect religieux. J'ai la conviction que, parce que je suis, parce que j'essaye de vivre, je dois être un témoin de ma foi en Jésus-Christ et de l'Évangile. Quelles que soient les difficultés, etc. Je ne parle pas de prosélytisme, je parle de témoignage. Et à cause de ces deux raisons, je pense, je n'ai jamais pensé quitter l'Algérie. Et je pense bien y prier. Est-ce que vous aviez eu connaissance des appels du FLN en direction de la population européenne? Avant 1954 et après. Il n'y a pas souvenance. Mais pas sous forme de tract. J'ai pas souvenance. Après, si vous voulez, après l'indépendance, si j'ai eu souvenance de l'un ou l'autre tract, même certains ont été imprimés par un de mes vicaires, mais enfin, pas plus, si vous voulez. Pas plus. Si vous n'étiez pas au courant, vous pensez que la plupart des Européens ne savaient pas qu'il y avait des appels du FLN et qui, déjà avant 1954, faisaient une place aux Européens? À mon avis, ils n'étaient pas au courant. Ou alors, c'était une toute petite minorité. Et comme la presse de l'époque se serait bien gardée de répandre des appels qui, dont le ton était plutôt modéré à un moment donné, mais non. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des Européens qui étaient guillotinés ou arrêtés pour leur adhésion à la guerre d'indépendance? J'ai su ça à certains moments, et j'ai même aidé certains condamnés à mort. Obtenir leur grâce, mais enfin un peu plus tard. Je pense à Jean-Jacques Campora, qui était un communiste, qui avait été condamné à mort. Et gentil comme toujours. En fait, s'était fait arrêter avec une bombe dans son sac. Il est encore en Algérie, qu'il s'est jamais, mais je ne sais pas où on touchait. Et sa mère était une de nos grands paroissiennes, de Babel Oued. Les successeurs, et alors avec le cardinal Duval, pensez du temps de Gaulle qu'on a obtenu sa grâce. Ouais, ça l'a entendu. Yveton, ou Audin, vous connaissiez ces gens? Ah, Audin, je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, je le savais quand même, parce que malgré tout, si vous voulez, j'ai jamais été ni communiste ni communisant, mais j'ai jamais été bêtement anticommuniste. Oui. Donc, j'avais, pendant que j'étais curé du Saint-Dé, par exemple, ma municipalité était socialo-communiste, mais j'entretenais pour avoir avec eux, et même avec le premier adjoint, là, qui est un pied noir, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, jusqu'à sa mort, nous avons correspondu, lui était rentré en France. Hein. Il n'y avait pas que des gens du Parti communiste qui étaient adhérents à l'idée de l'indépendance. Hein? À l'idée de l'indépendance. Ah non, non, non, non, oh, non, non. Seulement, vous voyez, si vous voulez, les... Au point de départ même, à la limite, vous voyez, les communistes, si vous voulez, ils étaient pour eux. Ils n'étaient pas tellement tout de suite au point de départ pour l'indépendance. Vous voyez, il y avait une revendication sociale qui était très, très forte chez eux. Mais ils ne sont reniés à l'idée de l'indépendance que plusieurs années après. Vous voyez, alors ça, non, il y a eu. Après, vous aviez eu, parmi les euros, hein, vous en aviez certains, bon, comme ceux qu'on a nommés tout à l'heure, là, qui seraient liés à l'idée d'indépendance à partir de la justice et à partir d'une certaine formation à base chrétienne, pour certains. Vous en aviez d'autres. Et qu'on pouvait appeler les libéraux, quoi, qui sentant que le vent de l'histoire, comme on dit, allait dans l'indépendance, l'évolution des peuples colonisés, bon, il y en avait quand même, mais c'était restreint, hein, quand même, c'était restreint. Est-ce que le GPRA, le FLN, est-ce que c'était des noms derrière lesquels vous mettiez des visages? Pour certains, voyez, par exemple, Ferrat Abbas, je mettais un visage, je le connaissais personnellement. Ben Reda, pendant la bataille d'Alger, je le recevais assez souvent sous forme de camouflage. Donc c'était quelque chose, Mohamed Ben Yahia, je l'ai beaucoup aimé, notre jeune ministre des Affaires étrangères qui s'est tué en allant en Iran, là on ne sait pas si c'était pas un attentat ou... Je vous donne ces 3 qui me viennent à... prenez bon, c'est la Longchine, je cherche si j'en ai d'autres. Là, au point de départ, je mettais des visages derrière... plusieurs noms. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que les Européens autour de vous savaient ce que c'était le FLN ou le GPRA? Que? Les Européens autour de vous le savaient. Savaient qu'est-ce que c'était, ces gens-là? Cette formation. À mon avis, je peux me tromper, c'est mon point de vue, hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. C'est comme la fameuse plateforme de la Soumane qui était très, très bien, entre parenthèses. Je ne sais pas combien d'Européens la connaissaient. Je n'avais rien oublié aussi, ça. Oui. Et est-ce que vous saviez quelles étaient les positions du GPRA au moment des négociations en 1962? En gros, oui. Vous, oui. Ah, oui. Et les Européens autour de vous? Non. Non. Ils ne savaient pas qu'une place était faite aux Européens dans l'Algérie indépendante. À mon avis, non. Alors que De Gaulle, que les pieds noirs au lycée, avaient fait beaucoup pour essayer de maintenir un certain nombre de droits pour la communauté pieds noirs, vous voyez. Alors, je vais poser une question qui sera mal posée. Vous y avez déjà répondu en partie. En ce qui vous concerne, vous n'avez jamais pensé partir d'Algérie. Donc vous avez fait le choix de rester. Mmh. Je me demandais si pour certains Européens qui sont restés, ça se posait en termes de choix. Est-ce qu'ils ont pensé partir à un moment où, bon... par exemple, l'OAS faisait beaucoup d'attentats pour les pousser dehors et pour les pousser à quitter l'Algérie. Est-ce qu'ils ont pensé partir et puis après ils ont décidé de rester? Ou bien est-ce que vous pensez que ces gens-là, pensé qu'ils avaient leur place en Algérie et n'ont jamais souhaité partir. Oui, je vais essayer de répondre un peu clairement. Oui, il y a plusieurs catégories de gens parmi... Vous avez des personnes, je pense aux personnes âgées, en gros, celles dont je vous parle, elles faisaient partie du paysage, elles avaient leur petit bien, leur petite villa, etc., etc. Je ne sais pas si la question de départ, celle-là, s'est posée. Mais il y avait d'abord la crainte, où on va tomber. Mais prenez les gens de ma famille. Malgré tout l'amour de la France qu'on avait, on n'avait pas de pied en France, ni de pied en France, et les anciens y étaient allés combien de temps en France? Je pense à ma mère. C'est moi qui l'ai emmenée la première fois en France, quand j'étais prêché un pèlerinage à Lourdes. Elle avait 70 ans. Bon, alors donc, il y a, si vous voulez, il y a des gens, bon, ne parlons pas de ceux qui sont partis sur l'autre de l'Ouest, ça c'est une chose. Mais je parle de ceux qui sont restés. Bon, vous avez des personnes comme cela. C'était presque naturel pour elles. Alors, par contre, il y a une autre catégorie de gens. Il y a une catégorie de gens, si vous voulez, qui ont misé de rester. J'en ai connu. Parmi les pieds noirs. Il y a des gens de classe... moyenne, n'est-ce pas, que ce soit au point de vue de leur insertion sociale, de leur travail, que ce soit des petits propriétaires, des petits colons, ils ont cru. Puis très vite, ils ont senti qu'ils n'avaient plus leur place, mais parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Et alors ceux-là sont partis dans une deuxième vague, dans les années entre 64 et 67. Prenez les petits colons, moi j'en ai connu, qui, quand on a renationalisé des terres, des propriétés de 20 hectares, bon ben c'était fini. Il y en a même qui désiraient rester, continuer à travailler leurs terres sous régime socialiste, on n'a pas admis. Alors il y a eu... Ça, alors, je dirais, mais ceux qui sont à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est ou ceux qui sont un peu fortement motivés, un petit peu, je peux dire, pas comme moi, pas nécessairement de la même manière, soit sur un plan religieux, soit sur un plan politique, et comme je sais, soit sur un plan réfléchi, ou alors ceux comme nos mémés qui. Non, ben, pourquoi partir maintenant? On a notre petit bien là. Mais il y a ça. Mais vous n'en avez plus. Moi, je pense que ça a été un manque pour l'Algérie. Et cette frange, vous voyez, de classe moyenne, artisan, ouvrier un peu qualifié, etc., dont l'Algérie manque. Et qui auraient été capables de jouer le jeu, mais qui ont été découragés très vite après l'indépendance, vous voyez. Je n'ai pas bien répondu peut-être à votre question, très mais enfin, dans mon avis. Vous avez la nationalité algérienne. Oui. Vous l'aviez eue d'office, je crois. Ah non. Comment non. Ça se passait, là, pour alors, la nationalité algérienne, il y avait trois manières d'obtenir. Ou vous la réclamiez comme ayant participé à la lutte de libération. Ou parce que vous étiez aimé ici ou que vous, il y avait 20 ans que vous étiez ici. Vous pouviez la demander à ce titre. Et troisièmement, le troisième titre, peu importe le temps que vous étiez ici, vous demandez à être naturalisé. Bon, mon cas, c'est le deuxième. Je ne suis pas un militant, je vais dire la chose. Mais je suis depuis des générations. Jante. Vous voyez ? Donc, c'est à ce titre que je l'ai eu. Par exemple, le père Bonamour, lui, qui est un Lyonnais d'origine, lui, il l'a prise, mais au titre de naturalisation. Oui, c'est la même chose. Pourquoi vous avez voulu prendre la nationalité algérienne ? Ben, j'ai réfléchi 36 fois parce que, avant de la prendre, je me suis dit, bon, je vais passer encore pour un traître. Parmi ma communauté qui est noire. Or, si vous voulez, puisque je suis destiné à rester ici, après tout, bon, en faisant le pas en avant, vous retrouvez là mes deux motivations du début. Et puis l'autre, alors, à cause de cet aspect, excusez-moi d'en parler, mais je suis comme je suis, hein, je parle bien, à cause de mon aspect religieux, mais pas le fait que j'optais pour une communauté de destin avec un peuple, je pense que c'était un pas à faire, vous voyez ? C'était un pas à faire. En fait, je parle de communauté de destin quand même, parce que même si je vis simplement pour le moment, je ne suis pas le dernier des derniers, si vous voulez. Enfin, et la vraie motivation, c'était une motivation religieuse, si vous voulez, avec peut-être en fond de tableau, là, un petit peu, mais ça s'apporte au point de vue religieux, et après tout. Les Algériens ont souffert des gens de ma race. Ils ont été, même quand ils étaient considérés comme français, ils étaient second collège. Bon, moi, peut-être, faire voir que. Pas le sens de réparation, mais quelque chose de. Voilà. J'ai fini. À combien vous estimez, à peu près, la population européenne qui est restée ? En toute l'Algérie ? À mon avis, une vingtaine de mille. Mais peut-être je me trompe, hein, voyez, j'ai pas beaucoup de critères d'appréciation. Voyez, parce qu'il y a une arrivée des coopérants de toutes places. Non, je parle pas de ceux qui sont venus après, je parle de ceux qui étaient là et qui sont restés. Alors là, je n'aurais pas donné ce gros chiffre. Hein. Ou je baisserai carrément. Hein. Je mettrai autour de 5000, moi. Bon. Hmm. Vous pensez que je peux avoir le chiffre au consulat là, à mon avis, au consulat, vous devez les avoir. Oui. Au consulat, là, vous les aurez carrément, parce que d'une part, la France de ce côté-là, avec son système social très avancé, aide pas mal, ouais. Toutes les personnes âgées reçoivent les mêmes droits qu'en France. Quoi, voyez. Là, vous avez le chiffre. Hein. Merci. Voilà. Bon.